Salut la team Bisoy, c'est parti pour ton premier morning de la semaine, c'est parti pour un lundi matin explosif. On démarre la semaine en force avec trois véritables boulets sonores. Branche-toi, le rock va secouer ton café. Et on perd pas plus de temps, on va tout de suite commencer par un classique de la musique rock, AC/DC avec Back in Black. Accroche-toi, on met les watts dès le début. Et c'est parti pour ce morceau. Ce morceau que tu viens d'écouter, sorti en 1980, Back in Black, hein, du célèbre groupe AC/DC, est un tube au riff culte qui était un hommage au chanteur Bon Scott, décédé quelques mois plus tôt. Ironie du sort, ce morceau joyeux a propulsé l'album du même nom au sommet des ventes mondiales avec pas plus ni moins de 50 millions d'exemplaires. Vendus, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. La petite minute curiosité en parlant de Back in Black, est-ce que tu savais que le riff de Back in Black est à la fois simple et redoutable ? Brian Johnson, le chanteur d'AC/DC, l'a construit sur des accords basiques et, pour l'anecdote, on l'a enregistré en une seule prise sans trop réfléchir. Résultat, ça a donné un riff légendaire. Après ce petit morceau, ce gros morceau même j'ai envie de dire de AC/DC, je te propose d'écouter un prochain morceau qui passe régulièrement sur les ondes de Bisoy, d'un autre groupe culte, hein, Nirvana, avec leur morceau Smells Like Teen Spirit. On enchaîne pour que le rythme ne retombe pas. Voici donc ce titre et ce groupe avec leur hit grunge interplanétaire. C'est un morceau sorti en 1991 et son titre, on en avait déjà parlé, provient d'un graphe de Kathleen Anna du groupe Bikini Kill sur le mur de Kurt Cobain affichant, je cite, « Kurt smells like teen spirit » ou si tu veux traduire cette phrase, hein, « Kurt sent », verbe sentir, « comme l'esprit adolescent ». Kurt Cobain étant, bien sûr, le chanteur de Nirvana. D'ailleurs, Kurt Cobain lui-même trouvait le riff trop calé sur du classique et comprend ici trop calé sur le style Boston avant d'en faire un hit planétaire. Et comme nous ne sommes pas ici que pour écouter du bon son, j'ai également quelques bons plans à te partager, ce sera le cas chaque jour de la semaine. Et donc aujourd'hui, je te propose de parler, de dire quelques mots sur le célèbre printemps de Bourges qui se déroule du 14 au 19 avril, donc ça commence demain et ça se termine ce dimanche. C'est le gros événement de la semaine, tu y retrouveras bien sûr le festival mythique avec une prog très éclectique, avec du rap, de la pop, de la chanson, de l'électro, il y en a vraiment pour tous les goûts et différents artistes bien connus sont annoncés pour ce festival, à savoir Vanessa Paradis, Gims, Jossman ou encore Charlotte Cardin, entre autres. Et bien sûr, c'est toujours dans la bonne ambiance et il y aura beaucoup de concerts gratuits en ville, donc le célèbre printemps de Bourges qui se déroule, tu l'as compris, à Bourges, comme tous les ans. Et il y a également un bon plan dans ce bon plan, c'est les scènes gratuites plus les découvertes émergentes. Mais au contraire, si tu es plutôt jazz, tu as aussi le Récif Festival qui se déroule à partir de demain, pareil jusqu'au 18 avril hein, cette fois-ci, donc c'est de demain à samedi et ça se déroule à Lyon. C'est un festival jazz contemporain, c'est un festival idéal si tu veux éviter la foule des gros festivals comme le Printemps de Bourges hein, justement. Et tu auras une programmation pointue avec Nina Garcia ou encore Salma Rosa entre autres, plus des salles intimistes, voilà, si tu es plus saxophone, Louis Armstrong, musique de jazz. Eh bien, je te conseille plutôt de te rendre au Récif Festival. Et si tu aimes les deux, à savoir le jazz et la musique un peu plus mouvementée, eh bien, tu peux aller un jour au Récif Festival de Lyon et ensuite te rendre à Bourges pour assister au Printemps de Bourges. On passe tout de suite pour conclure déjà, et oui, je sais, ça passe vite, avec Muse, qui nous appelle à la révolution musicale avec leur célèbre hit Uprising, c'est un hymne alternatif en puissance et c'est ce que je te passe tout de suite sur Bisoy, ta web radio préférée. morceau sorti en 2009, c'est le premier single de l'album intitulé The Resistance, sorti le 14 septembre 2009 précisément. C'est le plus gros succès de Muse, certifié double disque de platine aux USA. Le groupe décrit ce titre comme un hymne anti-système utilisé dans de nombreux films et de nombreux jeux vidéo comme par exemple Guitar Hero, Warriors of Rock, notamment pour sa mélodie ultra motivative. Et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bisoy que je t'ai concocté, que je t'ai cuisiné en ce lundi. Et en ce lundi justement, on lance la machine. Bélier, t'es déjà à fond en ce lundi matin. Pense juste à respirer entre deux actions. Si tu es bélier et que tu es déjà à fond, eh bien, c'est parfait. J'en suis l'exemple. Voilà, tu l'as compris, je suis bélier. Taureau, tranquille mais efficace, tu poses les bases solides en ce début de semaine. Gémeaux, ça parle et ça bouge, t'es dans ton élément clairement. Cancer, tu as besoin de calme, et oui, déjà en ce lundi matin ça peut arriver, mais une bonne vibe arrive en journée. Reste bien branché, reste bien à l'écoute de ce qui se passe autour de toi. Lion, t'es visible aujourd'hui, assume ton aura. Vierge, organisé égale imbattable aujourd'hui. Balance, bonne ambiance autour de toi, profites-en. Scorpion, tu avances en silence et ça marche. Sagittaire, ça te démange de bouger et c'est tout à fait normal. Alors écoute cette démangeaison et bouge. Capricorne, tu construis quelque chose de solide. Verseau, une idée brillante peut tomber d'un seul coup. Poisson, ton instinct est en mode GPS aujourd'hui. Et en général, les GPS savent toujours te mener à destination, donc écoute ton instinct. Voilà, c'était ton énergie rock du lundi matin sur Bisoy. Reste branché sur l'antenne, on te réserve encore plein de bons sons et de bonnes émissions. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau Morning Bisoy. Donc, je te dis simplement, salut et à demain.